Chapitre 9e, la leçon de français. J'ai retrouvé mon logis dans l'état où je l'avais laissé. Le vieux Koft et sa femme s'occupant à tout mettre en ordre, l'esclave dormant sur un divan, les coqs et les poules dans la cour becquetant du maïs, et le barbarin qui fumait au café d'en face, m'attendant fort exactement. Par exemple, il fut impossible de retrouver le cuisinier. L'arrivée du Koft lui avait fait croire sans doute qu'il allait être remplacé. Et il était parti, tout d'un coup, sans rien dire. C'est un procédé très fréquent des gens de service ou des ouvriers du Caire. Aussi ont-ils soin de se faire payer tous les soirs pour pouvoir agir à leur fantaisie. Je ne vis pas d'inconvénient à remplacer Mustapha par Mansour, et sa femme, qui venait l'aider dans la journée, me paraissait une excellente gardienne pour la moralité de mon intérieur. Seulement, ce couple respectable ignorait parfaitement les éléments de la cuisine, même égyptienne. Leur nourriture à eux se composait de maïs bouilli et de légumes découpés dans du vinaigre, et cela ne les avait conduits ni à l'art du saucier, ni à celui du rôtisseur. Ce qu'ils essayèrent dans ce sens fit jeter les hauts cris à l'esclave qui se mit à les accabler d'injures. Ce trait de caractère me déplut fort. Je chargeai Mansour de lui dire que c'était maintenant à son tour de faire la cuisine, et que voulant l'emmener dans mes voyages, il était bon qu'elle s'y préparât. Je ne puis rendre toute l'expression d'orgueil blessé, ou plutôt de dignité offensée, dont elle nous foudroie à tous. « Dites au Sidi, répondit-elle à Mansour, que je suis une cadine, une dame, et non une odaloque, une servante, et que j'écrirai au pacha s'il ne me donne pas la position qui convient. « Au pacha, m'écriai-je, mais que fera le pacha dans cette affaire? Je prends une esclave, moi, pour me faire servir, et si je n'ai pas les moyens de payer des domestiques, ce qui peut très bien m'arriver, je ne vois pas pourquoi elle ne ferait pas le ménage, comme font les femmes dans tous les pays. » Elle répond, dit Mansour, qu'en s'adressant au pacha, tout esclave a le droit de se faire revendre et de changer ainsi de maître, qu'elle est de religion musulmane et ne se résignera jamais à faire des fonctions viles. J'estime la fierté dans les caractères, et puisqu'elle avait ce droit, chose dont Mansour me confirma la vérité, je me bornai à dire que j'avais plaisanté, que seulement il fallait qu'elle s'excusât envers ce vieillard de l'emportement qu'elle avait montré. Mais Mansour lui traduisit cela de telle manière que l'excuse, je crois bien, vint de son côté. Il était clair désormais que j'avais fait une folie en achetant cette femme, si elle persistait dans son idée, ne pouvant mettre pour le reste de ma route qu'un sujet de dépense, au moins fallait-il qu'elle pût me servir d'interprète. Je lui déclarai que, puisqu'elle était une personne si distinguée, il fallait qu'elle apprît le français pendant que j'apprendrais l'arabe. Elle ne repoussa pas cette idée. Je lui donnai donc une leçon de langage et d'écriture. Je lui fis faire des bâtons sur le papier comme à un enfant, et je lui appris quelques mots. Cela l'amusait assez, et la prononciation du français lui faisait perdre l'intonation gutturale, si peu gracieuse dans la bouche des femmes arabes. Je m'amusais beaucoup à lui faire prononcer des phrases tout entières qu'elle ne comprenait pas, par exemple celle-ci. « Je suis une petite sauvage », qu'elle prononçait « des suis une petite sauvage ». Me voyant rire, elle crut que je lui faisais dire quelque chose d'inconvenant et appela Mansour pour lui traduire la phrase. N'y trouvant pas grand mal, elle répéta avec beaucoup de grâce « Anna, c'est-à-dire moi, bédit sobaz, ma fiche, pas du tout. » Son sourire était charmant. Ennuyé de tracer des bâtons, des pleins et des déliés, l'esclave me fit comprendre qu'elle voulait écrire, selon son idée. Je pensais qu'elle savait écrire en arabe et je lui donnai une page blanche. Bientôt, je vis naître sous ses doigts une série bizarre d'hiéroglyphes qui n'appartenaient évidemment à la calligraphie d'aucun peuple. Quand la page fut pleine, je lui fis demander par Mansour ce qu'elle avait voulu faire. « Je vous écris, lisez, » dit-elle. « Mais, ma chère enfant, cela ne représente rien. C'est seulement ce que pourrait tracer la griffe d'un chat trempé dans l'encre. » Cela l'étonna beaucoup. Elle avait cru que toutes les fois qu'on pensait à une chose en promenant au hasard la plume sur le papier, l'idée devait ainsi se traduire clairement pour l'œil du lecteur. Je la détrompai et je lui fis dire d'énoncer ce qu'elle avait voulu écrire, attendu qu'il fallait pour s'instruire beaucoup plus de temps qu'elle ne supposait. Sa supplique naïve se composait de plusieurs articles. Le premier renouvelait la prétention déjà indiquée de porter un abara de taffetas noir comme les dames du Caire, afin de n'être pas confondu avec les simples femmes fellah. Le second indiquait le désir d'une robe, yalek, en soie verte, et le troisième concluait l'achat de bottines jaunes qu'on ne pouvait, en qualité de musulmane, lui refuser le droit de porter. Il faut dire ici que ces bottines sont affreuses et donnent aux femmes un air de palmipède fort peu séduisant, et le reste les fait ressembler à d'énormes ballots. Mais dans les bottines jaunes, particulièrement, il y a une grave question de prééminence sociale. Je promis de réfléchir sur tout cela.